tsar, pero tú sabes de quién. Labrona terra que tu llars uns pets, quina tsar, pero tu saps com va sovella, de carapaça trajatore. Eram daqueles dias bem chalados, e o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram quem estava apanhado e disseram nunca mais cá apareças. Mas tem entre ti uma bailar com três. Fio na bolsa atrás do convés, e mandei-as ir andar bem ao meio canário, que bateu as botas com dois um dólar. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.

Millionen Zirkus. Heute lassen wir uns verzaubern und singen alle mit. this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. One off. Je m'en fous, je veux qu'il la baie. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bouche, je veux. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton a tu tumbre. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música la mía. Ahí en imagen, ven aquí, amiga. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Ça trop de go. L'ambiance est chic, c'est le fuego. Évidemment, y'a pour faire le show. Si tu peux te comprendre, suis-moi dans mon lit. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Il est 13h29, voilà, nous sommes déjà le dimanche et voici le retour de l'accordéon. Voilà, aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, tout simplement. À partir tout simplement des deux émissions différentes que vous avez pu écouter ce matin, entre le premier à partir de 8h jusqu'à 10h30, et puis après la deuxième émission à partir de 10h jusqu'à 12h30. Bien sûr que vous allez les retrouver tout simplement eh bien la semaine prochaine. Voilà donc bien pour nous dans l'ensemble l'après-midi, bien sûr, avec l'accordéon, avec plusieurs musiques différentes, avec la valse, le tango, le fox, et d'autres musiques différentes. Voilà donc, on va commencer bien sûr l'émission avec du côté du Nord, et puis après nous faire un détour du côté des Tchi. Voilà donc, et bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Il pleut lundi, il pleut mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement, on a la famille, les amis. On boit la goutte, un petit filoute. On fait la fête chez nous, les ch'tis, ça va bien. Pas de bronzer, y'a pas la canicule. On a même vu geler en août des testicules. On boit de la bière picon, parfois on roule par terre. Mais c'est quand on est rond qu'on fait l'amour à mémère une fois. On rit, on a le soleil dans le cœur même quand il pleut. Il pleut lundi, il pleut mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement, on a la famille, les amis. On boit la goutte, un petit filoute. On fait la fête chez nous, les ch'tis, ça va. En France, juste après le soleil. Il y a le poissonnier, le boucher, la laitière, le petit Lulu, Marie, la boulangère, là c'est Fernand avec ses pommes de terre et la Mélie. Ses habits, ici l'on vend des mouchoirs, des chaussettes, même des pétards pour le 14 juillet, des maillots de bain pour faire des calipettes, rien ne doit se perdre, tout est à consommer. Vive les

avec la valse et puis juste après le tango. Cette morceau-là de valse, un petit bonjour tout simplement à monsieur Carlos Dorias qui m'a gentiment tout simplement un petit bonjour. Donc voilà, un petit bonjour de ma part à monsieur Carlos Dorias. Quand me monsieur le destin unira nos deux cœurs sur le même chemin. Alors ça c'est certain, ce sera le bonheur. Sinon que là, Java. L'accordéon met l'ambiance, y a rien de plus sympa. Les gendarmes, les pompiers ont tous posé l'uniforme. Le patron, l'employé ne pense plus qu'à être en forme. Amis, venez en vacances, l'Auvergne est en Java. C'est ça le cœur de la France, les gens sont tous sympas. Vals bourré et polka, c'est l'accordéon le roi. Tous les jours c'est les vacances quand l'Auvergne est en Java. Shabbat. Y'a rien de plus sympa. Amis, venez en vacances, l'Auvergne est en Shabbat. C'est ça le cœur de la France, les gens sont tous sympas. Vals bourrés et polkas, c'est l'accordéon le roi. Tous les jours c'est les vacances, quand l'Auvergne est en Java. Tous les jours c'est les vacances, quand l'Auvergne est en Java. Au petit bal. Thank you. je sais pas ce qu'ils pensent. Quand ils me voient arriver, tout blanc comme un cachet. Robin, t'as drôle d'air, je suis timide et je suis fier. Mince loup d'abord, un impide d'alcool nord. Et là je leur dis, filou de chez mi. Et mi, je suis fier d'être un ch'timi. Un à la mer, un à ch'péri. Et un peu même y faire du ski. Pour t'amuser, oui, t'éclater. Je donne leur pas de calais qu'il faut aller. Que soit de l'île, peu d'en sous-calais. Un éclair du nord. Émi, je suis fier d'être un ch'timi. Si t'es pas de la région, t'inquiète pas ma garçon, te sera bien accueilli, cherche tes paroles de ch'ti. Te valera comme nous autres, fais gaffe à tes petits autres, de me venir ma gamin pour canter ce refrain. Voici donc la tarentelle et puis le Madison. We'll be right back. sonné. Une fille que j'avais draguée me dit on va se quitter, la soirée était terminée. Pour ne pas en rester là, enfin de la ramener chez moi. Je lui ai dit ma mignonne, je te propose une nuit Madison. I love Madison, trois tout petits mots qui résonnent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le moral. Ça donne du tonus, c'est génial. Qu'on le danse à 10, à 100 ou 1000. Le Madison sonne de ville en ville. I love Madison, c'est un cri de joie qui étonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ce tempo. Il y a vraiment ce qu'il nous faut. On se sent unis, heureux, en somme, quand on danse ensemble le Madison. I love Madison. Trois tout petits mots qui résonnent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le moral. Ça donne du tonus, c'est génial. Qu'on le danse à 10, à 100 ou 1000. Le Madison sonne de ville en ville. I love Madison, c'est un cri de joie qui résonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ce tempo, il y a vraiment ce qu'il nous faut. On se sent unis, heureux en somme, quand on danse ensemble le Madison. Arc-en-ciel. Voici donc Colovert et puis juste après Passe d'Homme. Thank you. donc un autre passo au pays juste après. On écoutera tout simplement, on va faire un petit tour de l'Espagne. Et puis voici donc l'Espagne. Viens, caché au bord de l'eau. Toutes les danses rétro, je serai ton Rolio. Avec toi, mon amour, c'est le spoil. Il fait bon quand je suis dans tes bras. On a le sang chaud dans le campagne. Moi, je suis ton taureau. Tu es ma Lolita. Avec toi, mon amour, c'est l'Espagne. Chez nous, c'est pas la Costa Brava. Un passou et un verre de champagne. Allez, viens, on se fait la fiesta. We'll be right back.

Lucette, il y avait Marcel, il y avait Lucette. fraîches et salées, sur ton corps mouillé, et les plages au grand soleil. Nos corps enlacés dans les nuits d'été, qui nous offrent mille merveilles. J'ai le cœur rond bas, tu as rempli ma vie de bonheur. Et sans compter les âmes, lumière tamisée sous le ciel voilé, et nous deux émerveillés, main dans la main au matin, partir sur les chemins. Voici donc la bourrée. Thank you. Voici donc du cha-cha et puis juste après la java. Cha-cha-cha des vacances sur la plage, on bronze, on chante et ça recommence. Cha-cha-cha des vacances sur la plage, on bronze, on chante et ça recommence. C'est parti pour le cha-cha des vacances, on sourit, on se relaxe et on danse. Oui c'est ça, le cha-cha-cha des vacances. Sur la plage on bronze, on chante et ça recommence. C'est parti pour le cha-cha des vacances, on sourit, on se relaxe et on danse. Oui c'est ça, le cha-cha-cha des vacances. Sur la plage on bronze, on chante et ça recommence. Et la chopinette, c'est ça la vraie java. On est tous heureux quand on danse à deux, la java des bouillards. Entre amis, la java des bouillards. Y a plus de soucis, profitons de la vie. Au petit bal auvergnat, c'est toujours la fête. Au son du musette et des airs d'autrefois. Foulard et casquette et la chopinette, c'est ça la vraie java. On est tous heureux quand on danse à deux, la java des bouillards.

Voilà, après tout simplement la country, voici deux morceaux différents de Jean-Marc Thibault. Il a les yeux bleus, elle a les joues en feu. Ça suffit pour que deux êtres découvrent en dansant que leur corps frémissant ont envie de se connaître. Derrière un buisson, vite ils se griseront de la joie qui les pénètre. Scénario banal qui donnera, c'est fatal, le jour à un enfant du bal. Les enfants du bal sont nés, c'est normal, avec des chansons plein la tête, car ils sont conçus dans un coin perdu à la sortie d'un bal musette. Un 14 juillet ou un 1er mai, alors que le monde est en fête, le tango bestial, la java joyeuse seront les berceuses des enfants du bal. Même si leurs parents ne vont pas forcément devant la mère et l'église, même s'il est tentant dans les jours de tourment pour l'un d'eux de faire sa valise, ils ne se quitteront pas car aucun n'oubliera dans son cœur la nuit exquise. Ou sous les étoiles dans le bonheur idéal, ils ont fait leur enfant du bal. Les enfants du bal sont nés, c'est normal, avec des chansons plein la tête, car ils sont conçus dans un coin perdu à la sortie d'un bal musette. Un 14 juillet ou un 1er mai, alors que le monde est en fête, le tango bestial, la java joyeuse seront les berceuses des enfants du bal. Tout seul, les danseurs font la gueule, vous parlez d'une ambiance. On se prend pour Travolta, mais on vous regarde même pas, chacun fait sa petite danse. On se déhanche comme un fou, mais tout le monde s'en fout, bonjour la différence. Et quand arrive le matin, on rejoint son traversin tout seul comme un crétin. Quand on danse à deux, alors c'est bien mieux en tenant sa cavalière. On comprend très vite s'il faut donner suite ou s'il faut placer l'affaire. Si elle vous sert fort, vous saurez alors qu'elle s'est portée volontaire. Ça oui, silencieux, gagne un temps précieux, c'est pour ça qu'on danse à deux. Moi, quand j'étais tout jeune, je fréquentais le balajon et d'autres balbusettes. Avec un claque comme ça, j'invitais une nana sans ôter ma casquette. Elle sans rien dire du tout, accrochée à mon cou, ses bras dominaient. Alors moi, comme il convient, je lui posais mes mains sur le bord de ses reins. Quand on danse à deux, alors c'est bien mieux en serrant sa cavalière. On comprend très vite s'il faut donner suite ou s'il faut classer l'affaire. Si elle vous serre fort, vous saurez alors qu'elle s'est portée volontaire. Ça oui, silencieux, gagne un temps précieux, c'est pour ça qu'on danse à deux. En dansant la java à nos gens que j'ai connu Janine. D'un clin d'œil je l'ai invitée, alors elle a confié son sac à une copine. Elle le s'est serré si fort que j'ai senti dans mon corps monter l'adrénaline. Mais je me suis fait piéger, depuis qu'on est mariés, c'est elle qui me fait danser. Quand on danse à deux, il paraît que c'est mieux, sûrement pas avec Janine. Avant on sortait, maintenant je peux jamais lui faire quitter sa cuisine. Fini les tangos, c'est beau maringo, cassoulet et pomme mousseline. Quand je vois ces grosses meules, maintenant je fais la gueule et je préfère danser tout seul. tour avec l'Espagne.

Tout simplement, Chantal, si elle écoute, je sais qu'elle aime bien l'accordéon en rock. Et bien, voici donc quelques morceaux. Thank you. Voici donc bien d'ici 5 minutes, eh bien l'émission touche à sa fin. Il est 15h55. Voilà donc eh bien l'émission touche à sa fin. On va se retrouver donc eh bien dimanche prochain. Mais aussi on se retrouve aussi eh bien mardi à partir de 13h30. Voilà donc eh bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Le rock à l'accordéon, c'est tout bon, oui c'est tout bon. Quand je joue le rock, je me donne à fond. Je fais voler mes gammes et mes boutons. Ça fait trembler comme un volcan les murs de la maison. Le rock à l'accordéon. Je suis un fou d'Elvis et d'Hélicocrane. Quand j'entends Chuck Berry, je suis un vrai fan. J'écoute à la radio les émissions d'enfer, tous les concerts. Sur ma moto à 200 à l'heure, rouler toute la nuit ne me fait pas peur. Paraît que le bon Dieu protège tous les rockers, c'est super. Le rock à l'accordéon, c'est tout bon, oui c'est tout bon. Quand je joue le rock, je me donne à fond. Je fais voler mes gammes et mes boutons. Ça fait trembler comme un volcan les murs de la maison. Le rock à l'accordéon. Un blouson de cuir, Johnny Hallyday, Tutti Frutti, Lucille, ouais, ça me connaît. J'suis pas allé dans la rue, mais ma raison de vivre, c'est la musique. Parfois on me dit c'est drôle ce que tu as changé. Avant tu jouais Prud'homme ou Émile Vacher. Je réponds c'est pas moi, c'est sûr, vous confondez mon physique. Yeah! tarde, são 3 horas. 2 da tarde nos Açores, as notícias numa síntese com a jornalista Marta Pacheco. Valqueva prepara-se para ter o mais projeto fotovoltaico flutuante da Europa, com uma produção estimada de 90 gigawatts hora por ano. Os